yaka yaka yaka. L'amour c'est toujours donner. Oh l'amour c'est aussi partager. Oh l'amour na komie payango. Ngambo na memie panayo. L'amour tikande baka moi. Yo kome mangambo pamba mama ayu. Kotika ngate na sambwa na beba pona kombono. Oh oh oh oh oh. Tu m'appelles quand tu veux, tu m'amènes où tu veux. On se cache comme on peut, je t'embrasse comme je peux. Aïe aïe aïe. Tu m'appelles quand tu veux, tu m'amènes où tu veux. On se cache comme on peut, je t'embrasse comme je peux. L'amour, c'est toujours donner. Oh l'amour, c'est aussi partager. Oh l'amour, na komie payango. Bolingo, ekotinga na motema. Na bebio, na kokatenga moko. Na kotika tenga mbona mema kaka na longa yo. Mama yo, yo ne wanga. Mama yo, yo na poni. Mama yo, yo ne wanga. Mama yo, yo na poni. Alors, alors viens. Kamati lolenge ya mama nanga. Koberse lokola wa bibi peron nanga. Amie. Ayaka yaka yaka. Amie. Ayaka yaka yaka. Tu m'appelles quand tu veux. Tu m'appelles où tu veux. On se cache comme on peut. Je t'embrasse comme je peux. Ah ah ah ah. Tu m'appelles quand tu veux. Tu m'amènes où tu veux. On se cache comme on peut, je t'embrasse comme je peux. L'amour est si doux, ma miel. Oh l'amour, comme du miel, chérie. Oh l'amour, et potinga na motema. Ma beauté, tikandenga na vanda na yo. Kolinga bampange, et tindama na mokili. Yeba de pina mona yo, na lula yo, na linga yo. Ayaka yaka yaka. Kwiza, kwiza, kwiza, kwiza. Ayaka yaka yaka. Comme on peut, je t'embrasse comme je peux.